J'ai perdu les clés de chez moi. La concierge me dévisage sur le palier. Si ça continue, faudra que j'aille ailleurs. C'est la troisième fois depuis cet été. J'ai perdu les clés de chez toi. Mes poches sont trouées, je pense. Ou bien mes mains ne retiennent rien. Les questions que je pose sont-elles bonnes? C'est à voir. C'est à voir. C'est à voir. J'ai dans la tête des souvenirs qui se bousculent et j'ai dans la bouche un goût de vin qui se noie dans un acre relent d'amertume. Et si je pense en marchant sur le quai, c'est à toi, c'est à toi, à toi. J'ai perdu le goût de la vie. Et j'ai la tête d'un gros chamal opale. L'escalier m'attire, l'ascenseur est en panne. L'alcool m'invitera peut-être à son dernier bal. Et j'ai perdu bien plus que ça. Quant à savoir où je vais, la question n'a plus aucun sens. Et si je pense en marchant sur le quai, c'est à toi. À toi. C'est à toi. J'ai dans la tête des souvenirs qui se bousculent et j'ai dans la bouche un goût de vin qui se noie dans un acre relent d'amertume. Et si je pense en marchant sur le quai, c'est à toi. J'ai perdu ta trace, j'ai perdu la face, mais je ne peux pas oublier le bruit de tes bijoux. J'ai perdu ma dame de cœur, je ne devais pas avoir assez d'atouts. J'ai dans la tête des souvenirs qui se bousculent et j'ai dans la bouche un goût de vin qui se noie dans un acre relent d'amertume. Et si je pense en marchant sur le quai, c'est à toi.